Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté les processus de production de la peinture acrylique nouvellement mis sur pied au complexe chimique de Suncheon. Il a été accompagné de Park Bong-joon, Premier ministre, et de Lee Mu-yong, vice-premier ministre et ministre de l'Industrie chimique. En faisant le tour de divers endroits comme le procédé de synthèse et de rectification de l'acide acrylique, le procédé de production de la peinture à l'eau et le procédé de production de la peinture à l'huile, le camarade Kim Jong-un s'est montré très satisfait des processus de production de la peinture acrylique d'ordre mondial. Il a déclaré que les processus établis à notre manière et les équipements conçus et fabriqués par nos efforts sont vraiment appréciables et que la production des peintures de différentes couleurs bien applicables aux murs des édifices, aux métaux et aux bois d'œuvre, ainsi que de terracotème, favorable à amender le sol et à ajouter de l'humidité, fait vraiment sa joie. Il a estimé que la qualité des peintures et de terracotème produit en grande quantité au procédé mis sur pied par notre propre force et notre propre technique est au niveau mondial, que le fait d'avoir établi et de gérer fièrement les procédés de production de la peinture acrylique avec notre technique, nos matières premières et nos équipements est un nouveau succès exaltant accompli au secteur de l'industrie chimique et que cela démontre de façon éloquente qu'aucune forteresse n'est imprenable si on adhère à la capacité de se renforcer soi-même. Il affirmait que la normalisation de la production de la peinture acrylique permet de fournir la peinture de bonne qualité à divers secteurs de l'économie nationale et adresser les remerciements au nom du comité central du parti aux quatre hommes scientifiques, techniciens et ouvriers du ministère de l'Industrie chimique, du complexe chimique de Suncheon, de l'Institut du projet chimique de Namu et de l'Université de technologie Kimchi qui ont grandement contribué à la construction de l'usine trésor du pays. Il a indiqué qu'il faut prêter toujours de gros efforts au développement de l'industrie chimique basée sur le succès obtenu et éclairer les tâches et moyens concrets pour porter à un niveau élevé l'adaptation de la production des produits chimiques à la réalité du pays. Il a dit qu'il a vu une bonne chose et qu'il a été bien content des procédés nouvellement mis sur pied au complexe, non seulement du fait qu'il a constaté la production de la peinture acrylique de notre manière, mais aussi qu'il est persuadé que l'adaptation à notre réalité et la modernisation de l'industrie chimique peuvent être réalisées bel et bien avec notre force, notre technique et nos matières premières, si on s'y attaque résolument. Il a insisté. Aujourd'hui, où les impérialistes qui ne désirent pas nous voir heureux et puissants cherchent plus célérément à nous isoler et étouffer, c'est seulement sur notre propre force que nous devons compter et personne ne veut nous aider. Si l'on compte sur sa force, tout est possible. Rien n'est possible si l'on attend l'aide d'autrui. Il faut faire preuve de l'esprit révolutionnaire de la confiance en soi pour remporter le meilleur succès dans la pire condition et faire progresser notre révolution. Le camarade Kim Jong-un a dit que l'industrie chimique joue un rôle important pour renforcer l'indépendance économique du pays et l'amélioration de la vie du peuple, et souligner que les cadres et les ouvriers du secteur de l'industrie chimique doivent s'acquitter de leur mission honorable assignée devant le parti et la patrie, puisque le problème de nourrir et habiller le peuple dépend du développement de l'industrie chimique. Le camarade Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les cadres et les ouvriers du complexe chimique de Suncheon, après avoir exprimé sa certitude qu'ils seront à la tête pour l'application de la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, en estimant qu'ils ont le devoir très important pour édifier une puissance socialiste au plus vite et assurer au peuple une vie aisée et civilisée.